pour me dire que je suis fou. Mais tout ceci reste tabou. N'y aurait-il pas de place pour nous? En tout cas, mon cœur est à bout. Je sais, ce n'est pas la fin de tout. Il m'arrive parfois de tomber à genoux. Car il faut bien que je vous l'avoue, de vous à moi je ne pense qu'à vous. Sur toutes les ondes c'est le remous, votre visage, vos lèvres sont le redout. Ma pensée se fige un tout pour tout, sur vous et sur vos atouts. Imaginant votre peau son grain si doux, sous mes doigts avec la vie alors je renoue. J'ai beau me dire que je suis fou, que tout ceci reste tabou.